Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, nous sommes le 18 août 2016, voici les grandes articulations de ce journal. Désormais, le port d'habits indécent, la polygamie, la vie en union libre sont entre autres infractions répréhensibles par la loi. Une loi adoptée ce jeudi par le Sénat. Explication du ministre Martin Livia-Bande des droits de l'homme qui dit que la loi vient protéger surtout les enfants et les femmes. L'accès à la réserve naturelle de la Rukokoro qui est une autorisation spéciale de l'autorité provinciale à Bubanza et le personnel de la société qui y exploite la canne à sucre devra être remplacé. Le gouverneur de Bubanza explique que ce personnel est soupçonné de complicité avec des malfaiteurs. Et les produits vivriers peuvent franchir les frontières des provinces à l'intérieur du Burundi mais sont interdits à l'exportation. C'est le directeur général du commerce qui donne cette précision après qu'il ait été dit que des policiers empêchent souvent les commerçants de vendre leurs produits dans d'autres provinces. Et le reportage du jour nous conduira à l'hôpital régional de Gitega. Là-bas, l'on n'a pas de médecin spécialisé en chirurgie ophtalmologique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, je venais de vous le dire. Un projet de loi sur la répression des violences basé sur le genre a été adopté ce jeudi par le Sénat. Une fois promulguée, cette loi aura à réprimer entre autres des personnes qui portent des habits indécents, la polygamie ou les personnes vivant en union libre. Martin Livia-Bande, ministre des droits de l'homme et du genre, qui a présenté ce projet de loi devant les sénateurs, a expliqué que la nouvelle loi vient protéger les enfants et les femmes. On l'écoute. Avec ce genre de polygamie, avec des unions libres, la femme burundaise n'était pas du tout protégée. Vous cohabitez pendant 10 ans et quand vous êtes là de votre femme, vous la quittez, vous la laissez avec ses enfants. Probablement que vous avez toutes les richesses que vous avez acquises ensemble. C'est le seul mari qui va en profiter. La femme n'est pas du tout protégée. Et ce projet de loi vient combler cette lacune qui s'observe au niveau du dispositif légal dans notre pays. Mais aussi, il y a des mariages avec plusieurs femmes qui avaient été conclus avant l'existence du code des personnes de la famille. Ces gens-là n'ont pas été inquiétés. Et aussi, il y a la non-rétroactivité de la loi, mais à partir de la date où son excellence, monsieur le président de la République, va promulguer la loi, l'union libre, Uguchi-Ikiza, et les relations extra-conjugales seront sévèrement punis par la loi. C'est protéger notre société, c'est protéger aussi nos mœurs. C'était le ministre Martin Livia-Bande. Le Sénat a également adopté une résolution rejetant la résolution 2303 du Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant le déploiement au Burundi de 228 policiers des Nations Unies. Dans cette résolution, le Sénat burundais explique que la résolution 2303 a été prise sans avoir coopéré au préalable avec le gouvernement burundais et n'a pas tenu en compte l'évolution de la situation au Burundi. Écoutez, Anissé Niyongabo, c'est le vice-président du Sénat. Le Sénat de la République du Burundi, réuni en sa séance plénière du 18 août 2016, demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de joindre sa voix à celle de l'Union africaine pour constater et conclure que la décision d'envoyer 228 policiers au Burundi pour une période initiale d'un an est inopportune, compte tenu de l'évolution de la situation politique et sécuritaire jugée positive par toutes les délégations qui ont visité le Burundi, rejette catégoriquement la résolution 2303 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 29 juillet 2016, autorisant le déploiement de 228 policiers des Nations Unies au Burundi pour une période initiale d'un an, particulièrement en ces points 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Non seulement elle a été prise sans avoir coopéré au préalable avec le gouvernement de la République du Burundi, mais surtout elle n'a pas tenu compte de la situation politique et sécuritaire redevenue normale sur l'ensemble du territoire national. C'était Anissé Niyongabo, le vice-président du Sénat. Dans la suite de ce journal, le procureur général de la République indique qu'un certain Omer Boniangouye n'a pas été enlevé, mais plutôt arrêté en exécution d'un mandat d'amener émis par le procureur de la République à Rutana. Ce dernier s'est conformé à l'article 336 du Code de procédure pénale. Dans un communiqué de presse qu'il a rendu public ce jeudi, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandoui, a indiqué que le dossier d'Omer Mbonihangouye a été transmis au parquet de Rutana. Et le journaliste Jean-Bigirimana de l'hebdomadaire Iwachu et Info Grand Lac est toujours introuvable. Il a été kidnappé à Bougarama, en commune et province de Mouranvial, le 22 juillet. C'est dans cette zone de Bougarama, précisément dans la rivière Mouarazi, où deux corps sans vie ont été retrouvés et repêchés le 11 août dernier. Mais personne ne peut dire jusqu'ici si parmi les deux figure ou pas celui du journaliste. C'est toujours de l'incertitude de la part de la famille des disparus et du groupe de presse Iwachu qui a annoncé dans un communiqué qu'il va poursuivre ses enquêtes. L'ONG Reporters sans frontières demande au président de la République en personne de s'impliquer pour que le journaliste soit retrouvé. L'organisation demande des preuves de vie du journaliste et l'ouverture d'une enquête officielle pour déterminer où il se trouve. Une demande qui a été également formulée par les organisations des professionnels des médias burundais, à savoir l'Association burundaise des radiodiffuseurs, l'Observatoire de la presse burundaise et l'Union burundaise des journalistes UBJ. En attendant, la police nationale et le service national des renseignements disent n'avoir pas arrêté le journaliste en question. Et les produits vivriers sont autorisés de franchir les frontières des autres provinces et non les frontières du pays. C'est le directeur général du commerce, Sébastien Zimana, qui fait cette mise au point. Il intervient après qu'il ait été signalé que des policiers empêchent souvent les commerçants d'aller vendre leurs produits dans d'autres provinces. Seulement, ces commerçants doivent savoir qu'il faut payer les taxes communales. Suivez Sébastien Zimana, joint au téléphone par Francine Nirokugayo. Le commerce entre les provinces concernant les produits vivriers n'est pas interdit. Alors, c'est souvent ce qu'on constate, c'est seulement quand on quitte la province à une autre province, c'est le paiement des taxes, les taxes de la mairie, je dirais. Sinon, le commerce n'est pas interdit. On va sensibiliser l'administration, le ministère de la Sécurité publique, ainsi que le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec notre ministère du Commerce et du Tourisme, mais pour sensibiliser ces policiers ou bien ces gens qui bloquent ce commerce. Sinon, qui doit percevoir les taxes de la commune? Oui, normalement, il y a des produits comme des bananes et autres, souvent, le mieux soit de payer les taxes communales. Après, on doit essayer de sensibiliser ces gens qui font des pratiques pour les interdits de la libre circulation de ces produits vivriers au niveau national. Le message que je peux donner, c'est d'informer les commerçants et les consommateurs que la situation des biens, des produits vivriers à l'intérieur du pays ne cause pas de problème, c'est seulement à l'intérieur du pays qu'il est interdit. Les éleveurs, agriculteurs et autres personnes qui veulent exercer une activité quelconque dans la réserve naturelle de la Rukoko devront demander une autorisation à l'autorité provinciale. Le gouverneur de Bouanza indique que la mesure d'interdire à toutes les personnes d'accéder dans cette réserve a été prise pour barrer la voie aux malfaiteurs. Concernant le personnel de la société qui exploite la canne à sucre dans cette réserve, Tarsis Nyongabo dit qu'il doit être remplacé parce qu'il serait complice de ces malfaiteurs. Suivez. Nous avons interdit aux personnes et aux vaches de ne plus dépasser la RN5 pour des raisons de sécurité, spécialement en entrant dans la réserve naturelle de la Rukoko. Toutefois, nous nous sommes convenus avec les agents de l'OBPE que s'il y a une activité qu'ils jugent nécessaire et utile, que nous allons donner une autorisation spéciale pour qu'on puisse entrer et accomplir une interaction. Concernant les veilleurs de la plantation de canne à sucre, nous avons pris la décision de les renvoyer parce qu'ils ne collaboraient pas dans le maintien de la paix et de la sécurité. Et la population s'est beaucoup lamentée, comme quoi tous les malfaiteurs prennent refuge dans ces plantations de canne à sucre et ces veilleurs ne donnent aucune information. Et ils seront remplacés alors par d'autres. Je viens de m'entretenir avec l'administrateur, nous vous dirons que cette action ne dépasse pas la journée de demain. Est-ce que l'administration serait-elle compétente pour remplacer son personnel ou bien vous demanderiez à cette société de collaborer pour renforcer la sécurité? La collaboration n'a pas été possible depuis longtemps. Si nous sommes allés jusqu'à prendre cette décision, c'est que c'était impossible. Dans toutes les réunions que nous avons prises, nous les avons intégrés, mais ils n'ont pas voulu collaborer. Alors, quel que demandé par la population, la meilleure solution, c'est de les remplacer par d'autres. Et concernant les éleveurs et autres qui œuvraient dans cette localité, est-ce que c'est-à-dire qu'ils doivent toujours se présenter au chef-lieu de la province pour demander l'autorisation d'accéder dans cette réserve? Je vous dirais que avant de tenir la réunion de mardi à 14h, nous étions réveillés très tôt pour faire patrouille tout au long de la rivière et de la Roussizi. Nous avons trouvé qu'il n'y a pas de plantation de champs de la population comme ils le prétendaient. Ils étaient même venus jusqu'à mon bureau pour me dire qu'il y a des plantations qu'ils veulent récolter, mais nous avons trouvé que tout ça était un mensonge, et d'où alors la mesure que nous avons prise ne concerne pas les petits agriculteurs, parce que dans la forêt naturelle de Rarukoko, il n'y a pas de champ de la population. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Éducation à présent, au moment où 347 étudiants de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université du Burundi ont été exclus de l'année en cours par décision rectorale du 12 août pour n'avoir pas répondu à l'appel de regagner les auditoires puisqu'ils avaient arrêté les cours. Le vice-recteur de l'Université du Burundi fait savoir que les revendications de ces étudiants ne sont pas fondées, puisqu'il s'agit d'une réforme par laquelle la carrière d'enseignant sera ouverte à ceux qui auront embrassé l'Institut de pédagogie appliquée et l'école normale supérieure. Suivez Rosalie Ibi-Korindagara. Nous sommes dans une réforme pour laquelle on ne peut pas retourner en arrière. On n'a même pas de marge de manœuvre, ni les étudiants, ni la direction de l'université n'a pas de marge de manœuvre par rapport à cette réforme. C'est une réforme nationale. Ceux qui veulent enseigner, ils apprennent, ils vont à l'ENS ou à l'IPEA. Au niveau national, dans le public, c'est l'ENS et l'IPEA. Et tandis que la faculté de lettres et sciences humaines et la faculté des sciences, ils ont d'autres offres de formation. Les étudiants disent que s'il s'avère que c'est l'élément mauvaise compréhension, il fallait prendre le temps de leur expliquer par la voie du dialogue. Cela a été fait à tous les niveaux. Je ne pourrais compter combien de fois les étudiants ont été reçus jusqu'au niveau de la direction de la science qualité. En fait, ces étudiants demandent que leurs questions soient résolues par la voie du dialogue. Mais on n'a jamais refusé le dialogue. Je vous ai dit que jusqu'au niveau de la direction de la science qualité, je ne pourrais compter combien de fois le directeur en personne a reçu les étudiants. Donc le dialogue a été permanent entre les étudiants et la direction de l'université. Rosalie Bikorindagara, vice-recteur de l'Université du Burundi, au micro d'Alain Désiré Boukeneza, stagiaire à notre station. Éducation, toujours avant le reportage du jour, il y a risque de manque de salles de classe pour accueillir des élèves qui vont continuer dans les écoles de métiers après le fondamental en Provence, Mngaro. Il n'existe que 3 centres d'enseignement de métiers dans toute la province et 11 salles de classe en construction. Le directeur provincial de l'enseignement souligne aussi le manque d'enseignants dans ces écoles de métiers. Environ 11 000 élèves ont fait le concours de certification et d'orientation. Correspondance de Laurent Dicourillo. Parmi les élèves des classes de 9e et 10e qui vont échouer au concours national édition 2016, certains vont s'orienter dans les centres d'enseignement des métiers. La province Mwaro dispose déjà de 3 centres d'enseignement des métiers, à savoir celui de Makamba en commune Lusaka, où il y a les filières de couture et de plomberie, le centre d'enseignement des métiers de Mbogora en commune Nyabihanga et celui de Kibumbu en commune Kayokwe, où on trouve la filière de couture seulement, selon le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro, Saratil Nakamurenga. Dans cette province, les communes de Kayokwe, Nyabihanga et Ndava comptent construire 2 nouvelles salles de classe d'enseignement de métiers pour chacune de ces communes, avec des fonds octroyés par l'OFO. D'après le conseiller principal du gouverneur de la province Mwaro, Léonce Kwizera, il précise que pour les communes de Gisozi, Bisoro et Lusaka, elle compte construire une nouvelle salle de classe avec les mêmes fonds du FONIC. Il indique que les travaux de construction peuvent commencer d'un moment à l'autre car les formalités relatives sont achevées. Il signale que 2 autres salles de classe sont en train d'être construites en commune Ndava et Gisozi avec des matériaux donnés par la présidence de la République. Le conseil principal du gouverneur de la province Mwaro dit que les filières pour ces 11 nouvelles salles de classe ne sont pas encore validées. Quant aux anciens centres d'enseignement des métiers, le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro dit que la couture n'intéresse pas tout le monde. Aussi, les tissus fabriqués ne sont pas compétitifs. Un autre problème est que les élèves qu'on y trouve n'ont pas le même niveau. Certains ont terminé la 6e, tandis que d'autres ont le niveau de la 10e. Il ajoute que le manque de matériel est évident dans ces centres. En plus, le directeur provincial de l'enseignement, Amoaro, dit que ces centres d'enseignement des métiers manquent des enseignants qualifiés pour dispenser certains cours. Il précise en outre que chacune de ces classes peut accueillir 40 élèves. Signalons qu'à province Moaro, environ 11 000 élèves ont passé le concours national édition 2016. De Moaro, Laurent Dicruyo, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Je vous l'avais dit, le reportage du jour nous rend à Gitega, l'insuffisance de médecins spécialistes et d'équipements pour les opérations des yeux se remarque à l'hôpital régional de la province de Gitega. Le médecin directeur de cet hôpital reconnaît qu'il y a une nécessité impérieuse d'un grand nombre de médecins spécialistes, même dans d'autres domaines. Bien que la situation se présente ainsi, les patients souffrant des yeux se font soigner à l'hôpital de Kibouye de l'église méthodiste libre en commune de Bukira Sazi de la province de Gitega, où se trouve Mireille Kanyang. À cet hôpital de Kibouye, l'on accueille différents patients venus des coins du pays, voire des pays voisins, pour des opérations oculaires. Cette femme vient de la RDC, nous l'avons rencontrée ce mardi à cet hôpital. Mon nom c'est Angela Elena Kashindi. Je me suis faite soigner au Congo, mais ça n'a pas tenu. C'est à ce moment que j'ai décidé de venir à Bujumbura. J'ai été consultée dans différents hôpitaux en ville. On m'a annoncé que cet œil ne peut pas voir. Là où j'ai fait la dernière consultation, l'on m'a recommandé de venir à Gitega, à cet hôpital de Kibouye, que mon œil doit être opéré pour que je puisse me sentir mieux. Mirenzo Paul, quant à lui, vient de la commune Echendajuru de la province Changuzo. Il dit s'être soigné ailleurs, mais qui n'est pas guéri. J'ai une maladie des yeux. D'abord, je suis allé à l'hôpital de Mutoyi. On m'a dit qu'on ne me soigne pas les yeux. Par après, je suis venu à Gitega dans un des hôpitaux, mais là aussi, je n'ai pas eu de répit et je suis retourné à Changuzo. Arrivé à la maison, j'ai demandé aux autres et m'ont dit d'aller à Kibouye. C'est ce qui m'a poussé à chercher le ticket pour venir ici à Kibouye. Selon le chirurgien oculaire John Cropsey de cet établissement sanitaire de Kibouye, les cas qu'il reçoit le plus souffrent de la cataracte et du glaucome. Pour les aveugles, la plus fréquente cause, c'est les cataractes. Ça veut dire quand le cristallin, la lentille naturelle dans l'œil, devient opaque. On ne peut pas voir de l'œil. Et c'est très simple de soigner ce problème. C'est une opération qui durait 10 minutes, 15 minutes. Donc ça, c'est la plus fréquente cause d'aveuglement au Burundi. Et le deuxième plus fréquent, c'est le glaucome. Le glaucome, c'est quand la tension de l'œil est trop haute. Et c'est bon de trouver ça avant la patient devenir aveugle, parce qu'on peut diminuer la tension et sauver la vision. Après Kibouye, nous nous sommes rendus à l'hôpital régional de Gitega. Le docteur Jacques Ndouimana, médecin directeur de cet hôpital, reconnaît qu'il y a une nécessité de spécialiste des yeux. Nous avons une nécessité impérieuse d'avoir un plus grand nombre de médecins spécialistes dans des spécialités aussi qui sont variées pour répondre aux besoins de la population. Tant que notre hôpital est un hôpital dit de deuxième référence, où nous devons accueillir des cas plus compliqués qui sont référés à partir des hôpitaux d'un niveau qui est inférieur du nôtre. Le manque d'équipement est l'une des raisons qui explique la diminution de la fréquentation à cet hôpital, reconnaît le docteur Jacques Ndouimana. Cette diminution de la fréquentation serait due au fait qu'il y a des services spécialisés en rapport avec la prise en charge des maladies oculaires que nous ne pouvons pas offrir actuellement à nos patients, tels que la chirurgie oculaire et d'autres maladies ophtalmiques qui nécessitent un équipement qui est spécialisé. Ça serait une autre raison de cette diminution de la fréquentation. Que ce soit ces patients ou ces médecins, ils affirment tous qu'il faudrait beaucoup plus de médecins qui peuvent soigner et opérer les maladies des yeux. Merci Mireille Kanyang. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle les grands titres avant de nous séparer. Désormais, le port d'habits indécent, la polygamie et la vie en union libre sont entre autres infractions répréhensibles par la loi. Une loi adoptée ce jeudi par le Sénat. C'est le ministre Martin Nivdavandi qui l'a expliqué au Sénat en disant que la loi vient protéger surtout les enfants et les femmes. Et l'accès à la réserve naturelle de la Rukoko requiert une autorisation spéciale de l'autorité provinciale à Bubanza et le personnel de la société qui exploite la canne à sucre devra être remplacé. Le gouverneur de Bubanza explique que ce personnel est soupçonné de complicité avec les malfaiteurs. Et le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont également rejeté la résolution 2303 du Conseil de sécurité des Nations Unies prévoyant l'envoi de policiers au Burundi. Les produits vivriers peuvent franchir les frontières des provinces à l'intérieur du Burundi, mais sont interdits à l'exportation. L'éclairage a été donné par le directeur général du commerce, après qu'il ait été dit que des policiers empêchent souvent les commerçants de vendre leurs produits dans d'autres provinces. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous invités aussi pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.